Scène 2. La grande salle du palais. Père Ubu, Mère Ubu, officiers et soldats, Giron, Pile, Cotis, nobles enchaînés, financiers, magistrats, greffiers. Apportez la caisse à noble. Et le crochet à noble, et le couteau à noble. Et le bouquin à noble. Ensuite, faites avancer les nobles. On pousse brutalement les nobles. De grâce, modère-toi, Père Ubu. J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume, je vais faire périr tous les nobles et prendre leurs biens. Horreur ! À nous, peuple et soldats ! Amenez le premier noble. Et passez-moi le crochet à noble. Ceux qui seront condamnés à mort, je les passerai dans la trappe. Ils tomberont dans les sous-sols du pince-port et de la chambre à sous, où on les décervellera. Qui es-tu, bouffre ? Comte de Vitesque. De combien sont tes revenus ? 3 millions de rixdal. Condamné. Il le prend avec le crochet et le passe dans le trou. Quelle basse férocité ! Second noble ! Qui es-tu ? Le noble ne répond rien. Me répondras-tu, bouffre ? Grand-duc de Posen ! Excellent, excellent ! Je n'en demande pas plus long. Dans la trappe !